Chapitre 16e. Fritz vint un soir, comme de coutume, au château et endormit Pulchérie en lui soufflant sur le front. C'était une belle soirée de juin. Les fenêtres du salon, toutes grandes ouvertes, laissaient entrer par bouffées un parfum sauvage de thym et de sainfoin en fleurs. Une brise âcre, qui commençait cependant à mollir et à se mouiller de rosée, agitait de temps en temps les rideaux ou les gonflait comme des voiles. Il y avait dans l'air des bruits de feuilles, des soupirs étouffés, des chants d'oiseaux à moitié endormis. On eût dit, au caractère religieux répandu sur toute cette scène, que la nature chantait son hymne du soir. Monsieur et Madame de B. ne purent se soustraire eux-mêmes à l'influence grave et solennelle de ce ciel encore peu étoilé, où la lune montait pure, transparente et chaste comme une jeune fiancée. Pulchérie était vêtue de blanc, la couleur qui lui convenait le mieux. Depuis quelque temps, elle commençait à soigner elle-même sa toilette. Elle prenait goût à dresser ses cheveux, à accommoder les plis de sa robe et à porter des fleurs à sa ceinture. Mademoiselle de B. semblait toute suspendue au regard de Fritz. Un mystère nouveau se passait entre eux deux au milieu de ce doux mystère de la nature en extase. Les yeux de Fritz brillaient comme deux étoiles. Tout à coup, elle prit les mains de Georges dans ses mains, le regarda avec ses grands yeux fixes qu'il ne voyait pas, et lui dit d'une voix lente, profonde, réfléchie, qui semblait savourer une à une toutes les lettres des mots, « Georges, je vous aime ». Au même moment, elle renversa sa tête sur le fauteuil, ses longs cheveux noirs se dénouèrent, le mouvement du pouls avait perdu son rythme, le cœur lui-même ne battait presque plus. Les magnétiseurs donnent à cet état le nom d'extase. Il succède au somnambulisme et se déclare ordinairement après une émotion vive. L'âme, dans ce moment-là, rompt ses liens et s'envole dans un monde dont elle ne se souvient plus au retour. Ce mot éternel et divin, « je t'aime », avait envoyé la jeune fille au ciel. L'extase est un état dangereux que le magnétiseur ne peut plus gouverner et où il cesse d'être le maître. Son sujet lui résiste, comme à tout autre. Georges Fritz avait beau commander à Mademoiselle de B. de revenir à elle et de donner signe de vie, elle n'en tenait aucun compte. Au contraire, elle semblait s'engager de plus en plus, et comme un plaisir, dans un monde inconnu, fort loin du nôtre. On ne voyait même plus battre les veines du front sur ses tempes décolorées. Toute la maison était dans une grande inquiétude. Les ordres de Fritz, qui jusque-là rencontrait dans Mademoiselle de B. une esclave toujours soumise, allaient cette fois jusqu'à la menace et à la violence, sans en rien obtenir. Un cadavre n'eût pas opposé plus d'insensibilité. Fritz lui-même commençait à tomber d'épuisement et à croire, comme tous ceux qui se trouvaient là, que Pulchérie était morte. Il rassembla toutes ses forces pour commander une dernière fois son sujet de s'éveiller. Mais, malgré toute la véhémence qu'il y mit, le sommeil de plomb continua. Georges Fritz penchait la tête d'impuissance et de découragement lorsque ses lèvres ayant rencontré la main blanche, fine et potelée de Mademoiselle de B., il la baisa doucement, comme à une jeune trépassée qu'on va mettre en terre. Pulchérie s'éveilla aussitôt. « Georges, » dit-elle en ouvrant ses grands yeux encore alourdis de sommeil et en y portant ses mains. « Pourquoi m'avoir éveillée? J'étais si heureuse. » Le docteur sortit du château plus grand qu'à l'ordinaire. Il lui semblait que sa tête touchait le ciel. Peu s'en fallait qu'il ne se crût le don de commander à toute la nature. Et ayant rencontré sur son chemin une rivière débordée qui lui barrait le passage, l'envie lui prit, plutôt que de remonter jusqu'au pont de bois, de marcher sur l'eau.